Le premier pas. Ce soir-là, Raffles me raconta l'histoire de son premier crime. Depuis cette fameuse nuit des îles de Mars, où il m'avait dit qu'il l'avait commis au cours d'une tournée de cricket, je n'avais jamais réussi à aborder ce sujet avec lui. Chaque fois que j'avais essayé, il s'était borné à secouer la tête et à regarder mélancoliquement sa cigarette, tandis que son regard plein de finesse avait une expression moitié cynique, moitié pensive, comme si, après tout, les jours honnêtes de son passé avaient eu leur bon côté. Raffles occupait d'habitude son temps soit à préparer un nouveau forfait, soit à se glorifier, avec l'enthousiasme délirant d'un artiste, du dernier qu'il venait de commettre. Rien ne trahissait en lui la moindre trace de regret. Cependant, lorsqu'il évoquait le souvenir de son premier crime, on eût dit que le très vague fantôme d'une sorte de remords le hantait. Aussi, avais-je abandonné bien avant la nuit de notre retour de Milchester l'espoir de connaître l'aventure. Cette nuit-là, il avait, comme il le faisait parfois, déposé sa valise de cricket près du garde-feu. Elle portait encore, collée sur le cuir, une vieille étiquette d'Orient. Mes yeux s'étaient depuis quelque temps fixés sur cette étiquette, et le regard de Raffles avait sans doute suivi le mien, car tout à coup il me demanda si je désirais toujours savoir son histoire. « Ce n'est pas la peine, » répondis-je. « Vous ne voulez pas me la raconter, je suis obligé de la deviner. »« Oh, comment le pourriez-vous ? » ?»« Oh, je commence à connaître vos méthodes. »« Vous croyez que j'avais le même sang-froid que maintenant, hein ?»« Je le suppose. »« Mon cher Bunny, cette affaire a été la moins préméditée que j'ai accomplie. » Il recula sa chaise jusqu'à la bibliothèque et se leva brusquement. Ses yeux brillaient d'indignation. « Je ne puis croire cela, » dis-je avec malice. « Je ne voudrais pas vous faire un si mauvais compliment. Il faut donc que vous soyez bien bête. » Il s'arrêta pour me dévisager et il ne put s'empêcher de sourire malgré lui. « Ou plutôt bien malin. Bien plus que je ne l'aurais cru. Par Dieu, oui, vous êtes un malin. Eh bien, je vais m'exécuter. Au fait, j'y pensais moi-même. Car sous plus d'un rapport, l'expédition de la nuit dernière me rappelle celle-là. En tout cas, je vais commencer par donner une entorse à la seule bonne règle de ma vie. Je vais célébrer mon histoire en buvant encore un verre. » Il se versa du whisky, fit jaillir l'eau du siphon et mit de la glace dans son verre. Puis, assis en costume de nuit, avec son inévitable cigarette à la bouche, il me fit le récit que j'avais abandonné tout espoir de connaître. Les fenêtres étaient grand ouvertes, les bruits de Piccadilly montaient jusqu'à nos oreilles. Bien avant qu'il eût terminé, le bruit des voitures avait cessé. Les voix des crieurs de journaux s'étaient éteintes et seuls nous troublions le silence de cette nuit d'été. « Oui, disait-il, j'aurais dû refuser l'invitation, mais nous devions tous nous rendre à la coupe de Melbourne et je croyais pouvoir y parier à coup sûr. Or, mon tuyau creva. Je n'étais pas, à cette époque, l'homme d'expérience que je suis maintenant, Bunny. Mes camarades ne savaient pas à quel point j'étais à sec et je m'étais juré qu'ils ne le sauraient pas. J'avais tâté les Juifs, mais ce sont des fines mouches, là-bas. Puis j'avais songé à un mien parent, cousin au second degré de mon père, que personne ne connaissait, et qu'on supposait être dans l'une ou l'autre des colonies. Je recherchais sa trace et la chance voulut que je réussisse à un moment même où j'avais quelques jours de libre. J'avais eu la main abîmée peu de temps avant le grand match de Noël, et il m'eût été impossible de lancer une balle, même si j'eusse voulu jouer. Le chirurgien qui me soignait me demanda par hasard si je n'étais pas un parent de Raffles de la Banque Nationale, et l'idée même d'un pareil bonheur me coupa la respiration. Être parent d'un des grands personnages d'une banque, qui pourrait me donner de l'argent rien qu'à cause de mon nom, pourrait-il y avoir quelque chose de meilleur pour un homme à sec? Je me voyais déjà riche de ses secours, quand le docteur rabattit mon enthousiasme en me faisant connaître qu'il avait seulement entendu parler de lui, à propos d'une affaire sensationnelle au cours de laquelle il avait logé une balle dans le corps d'un malfaiteur venu pour dévaliser sa banque. Mon rêve s'évanouissait et mon riche financier était un simple directeur d'une succursale de province. Cependant, je pensais que peut-être il viendrait à mon secours et que je trouverais chez lui tout au moins le vivre et le couvert. Donc, je priai le chirurgien de me dire le nom de la succursale, pour que je puisse m'y rendre et m'assurer si c'était bien le parent que je cherchais. « Je ferai mieux, » dit le médecin. « Je vous donnerai le nom de la succursale où il a été nommé, car il me semble avoir entendu dire qu'il a obtenu de l'avancement. » Le lendemain, il me donna le nom de la villa de Yea, à environ 50 miles de Melbourne, mais il ne put me dire si j'y trouverais ou non mon parent. Il est célibataire, et les initiales de son prénom sont W.F., dit le docteur. Il a quitté son ancien poste il y a déjà plus d'une semaine, mais il paraît qu'on ne l'attend à Yea qu'au jour de l'an. Sans doute il s'y rendra auparavant pour emménager, mais à votre place, je lui écrirai. « Cela me ferait perdre 2 jours, répondis-je, et même davantage s'il n'est pas là. » Il me tardait en effet de faire la connaissance de ce directeur, et je sentais que si je pouvais le trouver pendant ses vacances, j'aurais l'occasion de le voir davantage, ce qui faciliterait bien les choses. « À votre place, dit le docteur, je me procurerai une bête tranquille et j'irai à cheval. De cette façon, vous n'auriez pas à vous servir de votre main. Ne puis-je y aller par le train ?» Vous le pouvez jusqu'à une certaine distance, mais il vous faudra toujours monter à cheval. Vous êtes cavalier, je pense. Oui. Alors croyez-moi, faites à cheval tout le trajet. La route est délicieuse. Cela vous donnera une idée de la brousse, monsieur Raffles. Vous apercevrez les sources qui fournissent l'eau à cette ville. Et vous verrez d'où vient chaque goutte d'eau de la plus pure rivière, Yan Yan. Je voudrais bien avoir le temps de vous accompagner. Mais où trouverai-je un cheval? Le médecin réfléchit un instant. « J'ai bien une jument qui est trop grasse et qui a besoin de travailler. Vous me rendriez un véritable service en lui faisant faire 100 000, et j'aurai la certitude que vous ne seriez pas tenté de vous servir de votre main. Vous êtes réellement trop bon, » dis-je en acceptant son offre. Je parvins à écrire un mot à W. F. Raffles et le lendemain, je me mettais en route. Le chemin pendant les 30 premiers milles était superbe, mais après cela, il devenait un simple sentier à travers la montagne. Aussi, je laissais la jument me conduire. Par moments, ce sentier descendait dans les ravins ou traversait un gué au milieu d'un paysage splendide. Tout à coup, dans un endroit solide, j'aperçus en frissonnant un cheval sans cavalier qui arrivait sur moi à toute vitesse, étrier sonnant et selle renversée. Instinctivement, je me plaçai en face de lui et je l'arrêtai assez à temps pour permettre à un homme qui le poursuivait de s'en rendre maître. « Merci, monsieur, » grogna cet homme. Un grand diable à longue barbe, à physionomie sinistre, et qui était vêtu d'une chemise à carreaux rouges. « Un accident ? » dis-je en m'arrêtant. « Oui, » dit-il avec un air furieux, comme s'il me défiait de continuer mes questions. « Et un mauvais ? » continuai-je, « car il y a du sang sur la selle. » Je regardai cet homme bien en face. Il m'expliqua alors qu'un de ses compagnons avait été enlevé par une branche, avait eu le nez écrasé, et qu'il était resté à cheval jusqu'à ce que la perte de son sang lui fût perdre connaissance. Il ajouta qu'un autre de ses compagnons était resté en arrière avec lui dans la brousse. Ainsi que je vous l'ai déjà dit, Bunny, je n'avais pas alors l'expérience que j'ai maintenant, non, d'aucune manière. Et nous nous quittâmes bons amis. Il me demanda de quel côté j'allais, et quand je le lui eus dit, il m'assura que je gagnerais bien 7 000, et que j'arriverais 1 heure plus tôt hier en abandonnant le sentier, pour me diriger vers une crête, que nous aperçûmes, voyons, à travers les arbres, et de là, suivre un cours d'eau qu'on devait boire du haut de cette crête. Ne souriez pas, Bunny. Je viens de vous dire que j'étais un enfant à cette époque. Bien entendu, le raccourci devait de beaucoup allonger ma route. Il faisait presque nuit lorsque moi et ma malheureuse jument aperçûmes l'unique rue de Yea. Je cherchais où pouvait bien se trouver la banque quand un homme vêtu de blanc sortit d'une véranda. « Monsieur Raffles, dis-je. « Je suis Monsieur Raffles, » répondis-je, en souriant et en lui secouant la main. « Vous êtes en retard. On m'a fait prendre une fausse direction. C'est tout ?»« J'en suis heureux, » dit-il. « Savez-vous ce que l'on dit ? On dit qu'il y a une bande de voleurs entre Whittlesea et ici, une seconde bande Kelly. Mais ils ont trouvé à qui parler avec vous, hein ?»« Et avec vous aussi, » répliquai-je. Mais ma réponse le fit taire et sembla même l'étonner. Et pourtant elle me semblait plus claire que le compliment qu'il m'avait adressé. Et qui me parut incompréhensible. Je crains bien que vous ne trouviez la maison bien peu confortable, ajouta-t-il en s'emparant de ma valise et en jetant les rênes de ma jument à un domestique. C'est heureux que vous soyez célibataire comme moi-même. Je ne comprenais pas le sens de son observation et je murmurai quelques phrases banales. Il ajouta, comme si j'étais venu passer quelques semaines, qu'une fois installé, je me trouverais bien. Ces coloniaux, pensai-je, sont vraiment très hospitaliers. Et tout abasourdi, je me laissai conduire dans les appartements privés de la banque. « Le dîner sera prêt dans un quart d'heure, » dit l'homme habillé de blanc. « J'ai pensé qu'il vous serait agréable de prendre d'abord un tub. » et je l'ai fait préparer dans la pièce au bout du corridor. Vous n'avez qu'à appeler si vous avez besoin de quelque chose. À propos, votre bagage n'est pas encore arrivé, mais une lettre a été apportée ce matin. Pour moi, vous ne l'attendiez pas en aucune façon. Quoi qu'il en soit, la voilà. Et tandis qu'il m'éclairait pour entrer dans ma chambre, je lus l'adresse que j'avais écrite la veille, W. F. Raffles. Eh bien, Bunny, vous voilà absolument abasourdi, n'est-ce pas? Tout ce que je puis vous dire, c'est que l'arrivée de cette lettre me renversa moi-même plus que vous ne l'avez jamais été. Je ne pouvais parler, et je me tins debout, l'épître entre les mains jusqu'au moment où mon compagnon eut le bon goût de me laisser seul. On m'avait pris pour W. F. Raffles, pour le nouveau directeur qui n'était pas encore arrivé. Ce n'était pas étonnant que nous aurions ainsi joué aux propos interrompus. La seule chose qui m'étonna fut que nous n'ayons pas découvert le quiproquo. Combien l'autre aurait ri, mais moi je ne pouvais pas rire. Par Dieu, il n'y avait pas de quoi. Je vis tout dans un éclair, sans un frisson, mais avec un profond découragement. Appelez cela de l'insensibilité, si vous voulez, Bunny, mais rappelez-vous que j'étais précisément dans la situation où vous vous êtes trouvé depuis et que je comptais autant sur W. Raffles que vous avez alors compté sur moi. Je songe à l'homme à la grande barbe, au cheval sans cavalier, avec sa selle ensanglantée, à la fausse direction qui m'avait éloigné du sentier et qui m'avait fait perdre la route, enfin au directeur qui n'était pas encore arrivé et au récit qu'on m'avait fait de la présence de bandits dans la brousse. Je ne veux pas prétendre ici que j'éprouvais quelque pitié pour cet homme que je n'avais jamais vu. Cette sorte de pitié est généralement fausse et j'avais besoin de toute la mienne pour mon propre compte. J'étais dans une situation plus désespérée que jamais. Que diable pouvais-je faire? Je ne sais si je vous ai assez fait comprendre qu'il m'était indispensable de me procurer des fonds pour rentrer à Melbourne. Je voulais avoir de l'argent, mais comment? Cet étranger se laisserait-il persuader si je lui disais la vérité? Non, certainement. Et d'ailleurs, pourquoi la lui dirais-je? En supposant que je le laisse à se découvrir lui-même son erreur, aurais-je quelque chose à y gagner? Je vous donne ma parole, Bunny, que je descendis dîner sans avoir dans ma tête aucun projet défini et sans avoir aucun mensonge sur les lèvres. Devrais-je faire mon devoir et expliquer les choses sans perdre de temps? Devrais-je au contraire attendre les événements? Je n'avais pas ouvert la lettre et j'avais toujours la ressource de soutenir que je n'avais pas remarqué les initiales. Pendant ce temps-là, les choses pouvaient changer de face. Donc, il m'était loisible de voir venir. La tentation commençait déjà. Elle n'était encore que très vague, mais cette incertitude même me faisait trembler. « Auriez-vous reçu de mauvaises nouvelles ?» me demanda l'agent quand je m'assis à sa table. « Un simple ennui, » répondis-je. « Un simple ennui, pas autre chose. » Mon mensonge était lancé, j'avais pris position. À partir de ce moment, plus de retraite possible. Par le fait même, et sans m'être rendu compte de ce que je faisais, je m'étais déjà affirmé comme étant W. F. Raffles. Je resterai en conséquence W. F. Raffles dans cette banque, tout au moins pour la durée de la nuit, et le diable m'apprendrait de quelle manière utiliser mon mensonge. L'agent porta de nouveau son verre à ses lèvres, je ne pensais plus au mien. Son étui à cigarette qu'il me tendit brilla sous la lumière du gaz, mais tout en le regardant dans les yeux, je lui fis signe que je n'en voulais pas. « Ce fut le diable qui l'emporta, » ajouta Raffles en riant. Avant d'avoir pris la première cuillerée de potage, ma décision était prise. Je résolus de voler la banque au lieu de me mettre au lit et de me retrouver à Melbourne le lendemain pour déjeuner si la jument pouvait faire le trajet. Je dirai au docteur que je m'étais égaré, que j'avais passé plusieurs heures dans la brousse ainsi que cela eût pu très bien arriver, et que je m'étais trouvé dans l'impossibilité d'aller à Yéa. D'autre part, dans cette ville, le vol ne manquerait pas d'être attribué à un des membres de la bande qui avait tendu une embuscade au nouveau directeur et l'avait assassiné dans ce but. Vous commencez, Bunny, à avoir une certaine expérience dans ces sortes de choses. Y eut-il jamais une plus belle occasion? L'affaire de la nuit dernière lui ressemble par plus d'un point, mais il n'y avait pas la même certitude. J'avais tout mon plan arrêté avant même d'avoir achevé mon potage. Mes chances s'augmentaient d'ailleurs car le caissier, qui habitait également la banque, était parti en vacances. Il s'était même rendu à Melbourne pour assister à notre jeu et l'homme qui avait pris mon cheval nous servait à table. Sa femme et lui formaient à eux deux le seul personnel domestique et couchaient dans un bâtiment séparé. Je savais déjà tout cela avant la fin du dîner et même je sentais que j'avais une tendance à poser trop de questions. Je parvins cependant à savoir le nom de mon hôte. « Savez-vous, me dit Eubank, qui était le type de mon garçon, si vous n'étiez pas qui vous êtes, je dirais que vous faites partie d'une bande de voleurs. Avez-vous donc perdu votre sang-froid ? » ?»« J'espère que non, dis-je, sentant monter à mon front une bouffée de chaleur. Je vous assure, mais ce n'est pas agréable, croyez-le, de tirer une balle sur un individu. « Vraiment, dit-il froidement, rien ne me plairait davantage à moi, et puis votre balle ne l'a pas traversée. » « C'est ce que je regrette, » m'écriai-je, avec la plus grande présence d'esprit. « Amen !» s'écria-t-il. Et je vidai mon verre. À vous dire vrai, je ne savais même pas si mon prétendu voleur était en prison, mort ou en fuite. Mais maintenant que je connaissais tout ce qui m'était indispensable, Eubank ne voulait plus quitter ce sujet de conversation. Il déclara que le personnel de la banque était peu nombreux, mais qu'il avait toujours, la nuit, un revolver chargé sous son oreiller, un autre sous son bureau pendant le jour, et qu'il était toujours prêt à agir. « Sous votre bureau ? » eus-je la sottise de dire. « Oui, et vous aussi. » Il me regarda avec étonnement, et je compris instinctivement que d'ajouter « c'est vrai, je l'avais oublié » serait la plus lourde faute à commettre étant donné ce que j'étais censé avoir fait. Je baissai le nez, et je me contentai de secouer la tête. « Mais les journaux disaient que vous l'aviez. Pas sous mon bureau, » dis-je. « Mais c'est pourtant le règlement. » À ce moment, Benny, je me sentis perdu, bien que sans doute cette déclaration m'ait fait croire plus fort et ma réponse justifiée à mon coup d'œil. « Le règlement, » dis-je enfin, avec le ton le plus piqué que je pus trouver. « Oui, le règlement serait de nous faire tuer. Croyez-vous, cher monsieur, qu'un voleur de banque vous laisserait prendre votre revolver à l'endroit où il sait que vous le serrez ? J'avais le mien dans ma poche, et j'eus la possibilité de m'en servir justement parce que je parus quitter mon bureau avec une répugnance visible. » Eubank me regarda tout effaré, les sourcils froncés, et il donna un coup de poing sur la table en s'arrêtant. Pardieu, c'était rudement chic. Cependant, ajouta-t-il, comme un homme qui ne veut pas avoir tort, les journaux ont dit le contraire, vous savez. Naturellement, répliquai-je, ils ont dit ce que je leur ai déclaré. Vous ne voudriez pas que j'eusse fait mettre dans les journaux que j'avais perfectionné les règlements de la banque, n'est-ce pas ? L'orage était passé. Ce brave Eubank ne m'avait pas apprécié jusqu'alors. C'était un femme à toi plus âgé que moi. Et je suis bien sûr qu'il me trouvait trop jeune pour mon poste et que la belle action dont il me croyait le héros était une simple farce, car je n'ai jamais vu un homme changer de manière d'être aussi ouvertement. Il sortit son meilleur cognac, me fit jeter le cigare que j'étais en train de fumer et m'en ouvrit une boîte toute neuve. C'était un joyeux convive, à la moustache rousse, à la figure de bonne humeur, et dès ce moment, je cherchais à le faire boire. Mais ce n'était pas un Rosenthal, Bunny. Il avait la tête solide, et j'aurais pu 10 fois rouler sous la table qu'il aurait encore gardé toute sa raison. « Très bien, » pensais-je, « tu iras te coucher avec tout ton bon sens, mais tu dormiras comme une souche. » Et pendant qu'il ne me regardait pas, je jetai la moitié de ce qu'il me versait par la fenêtre. Il s'animait de plus en plus à mesure que la soirée s'avançait, et je n'eus pas de peine à l'amener à me faire visiter la banque malgré l'heure indue. Cela se passa au moment où il alla chercher son revolver avant de se coucher. Je restai encore 20 minutes avec lui, et avant de lui souhaiter le bonsoir et de rentrer dans ma chambre, je connaissais tous les recoins du bureau. Vous ne devinerez jamais ce que je fis pendant l'heure qui suivit. Je me déshabillai et me mis au lit. La tension continuelle qu'on est obligé de soutenir, quand, de propos délibérés, on entre dans la peau d'un personnage, est la chose la plus fatigante qu'il soit possible d'imaginer. Elle l'est encore davantage lorsque c'est un rôle impromptu qu'on doit remplir. Il faut se surveiller constamment. Un seul mot peut nous perdre. C'est jouer avec le feu. Je ne vous ai pas indiqué seulement la moitié des difficultés éprouvées au cours de cette conversation qui avait duré des heures et qui avait, à la fin, pris un tour d'intimité plein de dangers. Vous pourriez les imaginer vous-même, et vous rendre compte de ma situation étendue sur mon lit et prenant du courage en vue de mon expédition nocturne. Encore une fois, la chance me fut favorable, car je n'étais pas couché depuis longtemps que j'entendis ce brave Eubank ronfler comme un harmonium. Cette musique ne cessa pas un instant. Je l'entendis même du dehors, quand je sortis pour seller ma jument et l'attacher à un bouquet d'arbres situé assez loin de là, de façon à sentir, avant de commencer mon ouvrage, que j'avais le moyen de m'enfuir. J'ai souvent réfléchi à la sagesse instinctive de cette précaution. Inconsciemment, j'agissais d'après les principes qui m'ont guidé longtemps. Il me fallut prendre de la peine et avoir beaucoup de patience, trouver ma selle sans réveiller le domestique et attraper la bête en liberté dans l'enclos. J'avais peu de confiance dans la pauvre jument. Je dus retourner à l'écurie remplir mon chapeau d'avoine et le déposer à sa portée près du bouquet d'arbres. Il fallait aussi compter avec un chien. C'est toujours lui notre pire ennemi, Bunny. Mais j'avais eu la bonne idée de m'en faire un ami pendant la soirée. Il se borna à remuer la queue, non seulement pendant que je descendais l'escalier, mais encore quand j'entrais par la porte de derrière. Comme nouveau directeur, j'avais pu, tout naturellement, obtenir de ce pauvre Eubank tous les détails qui avaient trait au travail de la banque, surtout pendant la dernière demi-heure que j'avais passée avec lui avant de me coucher. J'avais pu, sans éveiller les soupçons, lui demander où il avait l'habitude de serrer les clés pendant la nuit. Je supposais, bien entendu, qu'il les emportait avec lui dans sa chambre, mais pas du tout, il avait imaginé un truc bien meilleur. Peu importe quel il était, mais un étranger eut attendu la semaine des 4 jeudis pour le découvrir. Bien entendu, en 2 secondes, je les trouvais, et en moins de temps encore, j'arrivais au coffre-fort. J'oubliais de dire que la lune s'était levée et éclairait la banque. J'avais cependant porté avec moi un bout de bougie que j'avais pris dans ma chambre. Je n'hésitais pas à l'allumer quand je fus à côté du coffre-fort qui était placé au bas de l'escalier étroit donnant derrière le comptoir des bureaux. Il n'y avait pas de fenêtre dans la pièce, et bien que je pusse entendre ronfler le brave Eubank, je n'avais aucune crainte de ce côté. Je ne songeais même pas à m'enfermer à clé pendant la durée de mon travail, et Dieu merci, la porte de fer n'avait pas de trou de serrure à l'intérieur. Il y avait des tas d'or dans le coffre-fort. Je pris seulement ce qu'il me fallait et ce que je pouvais emporter facilement, environ 200 livres sterling en tout. Je ne touchais pas aux billets de banque et avec ma circonspection naturelle, je plaçais des sovereigns dans chacune de mes poches et les emballais de façon à ce qu'ils ne vinssent pas à tomber. Au moment même où j'étais prêt à partir, on frappa violemment à la porte extérieure des bureaux. Ma lumière m'avait sans doute trahi. Je me tins là, tandis que la bougie fondait entre mes doigts, dans ce tombeau de briques qu'était le coffre-fort. Je n'avais qu'une seule chose à faire, me fier au sommeil profond d'Eubank, ouvrir la porte moi-même, renverser l'intrus d'un coup de poing, ou tirer sur lui avec le revolver que j'avais eu la précaution d'acheter avant de quitter Melbourne, puis ne faire qu'un saut jusqu'au bouquet d'arbres où j'avais laissé la jument du docteur. Ma décision fut vite prise. J'étais déjà en haut de l'escalier qui conduisait au coffre-fort. J'entendais toujours frapper quand un second bruit me fit reculer. C'était un bruit de pieds nus qui marchaient dans le corridor. L'escalier était en pierre, je le dégringolais sans bruit et je n'eus qu'à pousser pour ouvrir la porte de fer, car j'avais laissé les clés au coffre-fort. J'entendis alors tourner la poignée de la porte au-dessus de ma tête et je remerciai ma bonne étoile d'avoir eu la précaution de fermer les portes derrière moi. « Vous voyez, mon vieux, les précautions vous servent parfois. » « Qui frappe ?» dit Eubank en haut. Je ne pus saisir la réponse, mais elle semblait être la supplication d'un homme à bout de force. Ce que j'entendis nettement, ce fut le bruit que fit le chien du revolver de la banque qu'on armait avant de tirer les verrous, puis un pas incertain, une respiration courte et faible, puis enfin la voix d'Eubank qui s'écrie avec horreur. « Bon Dieu, que vous est-il arrivé ? Vous saignez comme un bœuf !»« Plus maintenant, » répondit-on, dans un soupir de reconnaissance. « Mais vous êtes en sang. Qui vous a blessé ainsi ?»« Les bandits de la brousse. »« Sur la route ?»« Entre ici, Whittlesey. Attachez un arbre. Tirez sur moi. Laissez mourir à bout de sang. » La voix si faible s'éteignit et les pieds nus se mirent à courir. Le moment était venu pour moi, si le pauvre diable pouvait être évanoui. Mais je ne pouvais en être sûr et je restais accroupi dans l'obscurité contre la porte de fer entrouverte, étonné et emprisonné. Cela valait mieux ainsi, car Eubank ne fut pas un instant absent. « Buvez ceci, » dit-il, et quand l'homme reprit la parole, sa voix devint plus forte. « Je commence maintenant à sentir la vie qui me revient. Ne parlez pas. Cela me fait du bien. Vous ne savez pas ce que cela a été, tous ces milles que j'ai parcourus tout seul, 1 mille à l'heure, tout au plus. Je croyais ne jamais arriver. Laissez-moi vous raconter, pour le cas où je ne pourrais. Prenez une autre gorgée. Je vous remercie. Je vous ai dit que ce sont les bandits de la brousse, mais bien entendu, il n'y en a plus aujourd'hui. Qui sont-ils alors? Des voleurs de banque. Celui qui tira sur moi la même brute que j'avais chassée de la banque de Cobney en lui logeant une balle dans le corps. Je l'avais deviné. Bien entendu, vous l'aviez deviné, Bunny, et moi aussi, enfermé en bas dans le coffre-fort. Mais le brave Eubank, lui, ne l'avait pas deviné, et je crus qu'il avait perdu l'usage de la parole. « Vous avez le délire, » dit-il enfin. « Qui croyez-vous donc être ? Le nouveau directeur ?»« Le nouveau directeur est au lit et dehors depuis longtemps. Quand est-il arrivé ? Ce soir. Il a dit qu'il s'appelait Raffles ? Oui. Eh bien, je suis damné, » murmura le vrai directeur. « Je croyais que c'était une vengeance. Je vois ce que c'est. Mon cher monsieur, l'homme qui est en haut est un imposteur. S'il est encore en haut, toutefois, il doit faire partie de la bande. Il est venu pour voler la banque, qui ce n'est déjà fait. »« S'il ne l'a déjà fait ?» murmura Eubank après lui. « S'il reste encore en haut ?»« Par Dieu, s'il y est, j'en suis fâché pour lui. » Son ton était calme, mais c'était le plus lugubre que j'ai jamais entendu. Je vous l'affirme, Bunny. J'étais heureux d'avoir apporté mon revolver. Je me voyais déjà aux prises avec lui, nos revolvers en face l'un de l'autre. « Il vaut mieux regarder d'abord par ici, » dit le nouveau directeur. « Tandis qu'il filera par la fenêtre. Non, non, il n'est pas par ici. On peut toujours y jeter un coup d'œil. Bunny, si vous me demandez quel fut le moment de toute ma carrière infâme où j'ai ressenti la plus violente émotion, je vous dirais que ça a été celui-là. Je me tenais là, au bas de cet étroit escalier de pierre, à l'intérieur du coffre-fort, la porte à demi ouverte, me demandant s'il ne viendrait pas à crier. La lumière s'approchait et je pouvais craindre cet accident. C'était une chance à courir. Elle ne grinça pas. Elle était solide et bien suspendue. Et même si je l'avais voulu, je n'aurais pu la refermer avec violence, car elle était trop lourde. Je la poussai donc doucement sur moi et j'entendis et sentis une poussée d'air passer sur ma figure. Toute lumière avait disparu, seul un rayon brillant filtrait sous la porte. Que je l'ai béni, cette porte. Non, il n'est pas là, entendis-je vaguement, comme si l'on parlait à travers de la ouate. La lumière disparut, et quelques instants après, je m'hasardai à ouvrir, et je pus les entendre se diriger sans bruit du côté de ma chambre. Il n'y avait plus un instant à perdre, mais je suis fier maintenant de dire que j'ai monté l'escalier à quatre pattes et que je suis sorti de la banque. Ils avaient oublié de fermer la porte, sans plus de précipitation que si j'avais eu mon temps à moi. Je n'oubliais même pas de me coiffer du chapeau dans lequel la jument du docteur mangeait son avoine aussi vite que son mort lui permettait de le faire. Un oubli de ce genre m'eût fait découvrir. Je ne partis même pas au galop, mais au pas, dans la poussière épaisse qui se trouvait sur les bas-côtés de la route. J'avoue pourtant que mon cœur galopait, lui. Et je remerciais mon étoile que la banque se trouvât à l'extrémité de la ville, où je n'avais été vu par personne. La dernière chose que j'entendis, ce furent les deux hommes qui réveillaient le cocher et faisaient un vacarme d'enfer. « Et voilà, Bunny !» Il se leva, s'étira avec un sourire qui se termina par un bâillement. Les vitres sombres avaient passé successivement par toutes les teintes de l'indigo et encadraient les maisons d'en face, raides et livides dans l'aube. Le gaz s'apercevait à peine dans les globes. « Mais ce n'est pas tout !» m'écriai-je. « J'en suis fâché, mais c'est tout, » dit Raffles, d'un ton d'excuse. La chose eût pu se terminer par une chasse pleine d'animation, mais elle n'eut pas lieu. Je suppose qu'ils crurent que j'avais une grande avance. Ils étaient si convaincus que je faisais partie de la bande qui se trouvait à peine à quelques milles, et l'un d'eux avait déjà été frappé par les bandits, mais je n'avais pas à songer à cela. J'avais bien d'autres sujets de préoccupation. Dieu, que j'ai forcé ma pauvre bête à marcher à travers les arbres. Nous étions éloignés de plus de 50 milles de Melbourne, et à l'aller, nous avions fait la route au pas d'une tortue. Mais l'avoine avait tellement excité la vieille jument qu'elle s'emballa dès qu'elle sentit qu'on la dirigeait vers le sud. Par Dieu, ce ne fut pas une plaisanterie que ce voyage à travers les arbres, dont les branches vous obligeaient à baisser constamment la tête sur la crinière. Je m'arrêtai un instant et posai mon oreille contre la terre. Je n'entendis rien que le hennissement de la jument et les palpitations de mon cœur. Et voilà. J'en suis fâché, Bunny, mais si vous écrivez mes mémoires, vous n'aurez pas de difficulté pour raconter cette chasse. Mais le dénouement, fis-je, la jument put-elle vous porter jusqu'à Melbourne ? Elle fit toute la route. Je veillai à ce qu'elle fût bien soignée à mon hôtel et ne la rendis au docteur que le soir. Il s'amusa beaucoup en apprenant que je m'étais perdu, et le lendemain il m'apporta un journal pour me montrer à quoi j'avais échappé hier. Il n'eut jamais aucun soupçon. Ah, dit Raffles, tout en éteignant le gaz, voilà un point dont je ne suis pas sûr. La jument et sa robe étaient une coïncidence. Heureusement, il y a beaucoup de chevaux bais, et je crois bien que l'état de la bête a dû éveiller quelques soupçons. L'attitude du médecin ne fut plus la même, et j'incline à penser qu'il soupçonna quelque chose, mais non la vérité. Je ne m'en assurai jamais, mais je crains bien que mon aspect n'ait augmenté ses soupçons. Pourquoi ? Demandai-je. Parce qu'autrefois je portais une forte moustache, dit Raffles. Je la perdis le jour qui suivit celui où j'avais perdu l'honneur. Ernest William Hornung.